comme au Real et City Matsonten d'Alatène. Je suis coulé la vie au collège, je jette et j'injette mathématiques plus à 10. Je suis interdit à mer, barrage, porte blanche pour dépassement. Nouveau sanctuaire de la France, face militaire, la console. Les satellites sont chez Canal Plus, ils ont codé le code pour nous ajouter tâche terminée. La nature a repris ses droits chez la nouvelle terre de poète. Nous sommes pour toute somme en 2040. Une puissance lunaire, on a bouffé EDF contrôlé par les Yers. La Chine est finie, j'induis les stations de ski. Leurs inventions sont obsolètes, rien n'est rien, rien, boîte de conserve. J'ai 4 de nouvelles huîtres à manger, on mange véritablement au kilo. Les sources sont Linux Mint 13, Suisse à route, les fenêtres ont repris leur droit à naître. Les écoles ABX a été construite, sur Obélix pour mon fils tous unique, vice versa. Plus de 120 technologies offertes pour la France, la Russie nous applique. Je fais ghost, je suis tout transparent, je conduis, j'ouvre un pas, je m'introduis, par le robinet, je rentre. J'opère, je regarde gauche à droite, rien dans l'azimut. J'ai amélioré Linux, le noyau qui chauffe, je m'implique. Je donne mon frérot à l'action, j'arrode une petite banane du hibou. J'ajoute l'Afrique, je vous félicite à dernier. Un couscous à l'Algérie, je donne et je redonne. Petit pas pour la mafia 2040. Je grimpe en haut, tout en haut et encore au bout. Je suis contenteur mix. J'espère, je suis quelque part et nulle part ailleurs. Qui me voit, voir Matrix à moi. Beau jour de paye et la nuit, ça rien faire avec des panneurs 34. Demi-fourmis, des demi-portions. Je compte, nouveau décompte, toujours à pile. J'ai la branche et le chargeur plein. Hier comme une guerre, aujourd'hui je suis avec le futuroscope de VDR. Je marche au piston comme John John. Et là-haut les billes font et se refont branche A. Numéro 1, les billes de Java. Voilà, je te contrôle, petite sœur. Bolide des courtois à marche, transformeurs sont là, je roule sur les chemins de Rome. L'assurance touriste, licence, permis, VV sur 20 au code de voie. Harry Potter sont chez eux, ils donnent et je donne le chemin. Sont pour un petit train, la magie de l'école, sud-OM, les beaux-arts. Faut des rabais là-bas, ça va là-haut, c'est plus haut, pourquoi chercher ce chemin? Et dur comme dur, ils sont venus nous voir pour l'histoire des Alaska. Aussi plus qu'Isis dans la terre qui est la mère nature, un virus classé X. L'œil nous surveille, j'ai perdu un cœur à ma naissance. J'ai perdu un cœur à ma naissance. J'ai perdu un cœur à ma naissance.